Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le cours de l'histoire. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Les gens, les religions, les livres, les noms, les mots ont des origines. Allez, prenons un nom qui est aussi un mot, qui est aussi un livre, Coran. Et remontons le temps. Il s'écrit aujourd'hui avec un C, Coran. Mais nos ancêtres, il y a quelques siècles, au XVIIe siècle, écrivaient avec un K, Coran. Remarquez, la prononciation est la même. Plus tôt encore, au XIVe siècle, il était Al-Coran. Cette fois, il s'écrit CH, Coran. Mais oui, la prononciation est toujours la même. Le Littré, grand dictionnaire, nous dit que le Coran, avec un K, vient du mot arabe karn, lire, la lecture par excellence, comme nous disons la Bible, l'écriture, en attachant à ces mots un sens de respect. Mais si nous remontons encore plus loin, d'où vient le Coran ? C'est un mot pré-islamique, avec un peu de syriaque, un mot né dans un univers où les cultures se mélangent. Allez, partons aux origines de ce mot, de ce livre, le Coran. Toute cette semaine, dans le cours de l'histoire, nous nous sommes intéressés aux interminables combats contre les inégalités aux États-Unis, des émeutes de Los Angeles, en fait, des explosions de colère aux pans oubliés de l'héritage de Martin Luther King. Ce sont des émissions que vous pouvez réécouter sur le site internet franceculture.fr ou bien en podcast, la balado diffusion. Et puis, vous pouvez nous retrouver sur le groupe Facebook, le cours de l'histoire. Et aujourd'hui, nous consacrons une émission au Coran. Lire et relire le Coran en partenariat avec la revue L'Histoire, Coran, la fabrique d'un livre. Qui l'a vraiment écrit ? L'influence juive et chrétienne et énormément d'accès, en fait, de palimpsestes, de Sana, texte magnifique, ouvrage, objet merveilleux qui nous dévoile des pans du Coran et quatre sourates décryptées. Nous allons parler du Coran et notamment du Coran des historiens, énorme monument publié par les éditions du Cerf. Avec vous, Ali Amir Mouezi, bonjour. Bonjour Monsieur Mauduit. Vous êtes professeur des universités à l'école pratique des hautes études, spécialiste de la pensée islamique et vous avez donc co-dirigé avec Guillaume Dié l'ouvrage Le Coran des historiens paru aux éditions du Cerf. C'était il y a quelques mois. C'est une somme impressionnante, hein. C'est quelque chose qui était nécessaire. Dites-nous, ce Coran des historiens, cette lecture que vous faites, vous êtes islamologue, vous étudiez l'islam. J'ai presque envie de vous dire en provocation, mais c'est une profession récente, Ali Amir Mouezi. Non, pas aussi récente que cela. Être islamologue, c'est-à-dire étudier l'islam en tant que système religieux, système de pensée. Mais le regard de l'historien, en fait, est né au 19e siècle. Le regard porté par les historiens sur cette religion et sur ce livre, sur ce texte. Oui, effectivement, oui, c'est-à-dire que dans la première moitié du 19e siècle, ce grand mouvement de regard historique et philologique sur le Coran commence en Allemagne dans les milieux des biblistes. Donc c'est à partir de là que les choses commencent et puis, on va en reparler bien sûr, ça continue jusqu'à nos jours. Oui, il y a une vraie vigueur dans ces études et le Coran des historiens le montre bien. Et le magazine L'Histoire aussi a raison de faire sa une sur le Coran, la fabrique d'un livre, parce que la lecture déjà est passionnante. Cela nous plonge dans un monde qui est autre, un monde avec beaucoup de clichés, un monde que nous ne connaissons pas, le prophète, alors Mahomet, et puis nous allons voir s'il faut lui donner un autre nom. Moi je dis Mahomet pour le moment, mais vous allez me corriger, Ali Amir Mouezi, naît vers 570. J'aimerais bien que vous nous emmeniez dans ce monde vers 570. C'est un monde que nous imaginons un peu fermé, isolé, un monde désert avec sans doute des croyances diverses mais qui depuis ont disparu. En fait, ce monde-là est beaucoup plus complexe. C'est un carrefour de commerce notamment, mais un carrefour surtout de culture. Oui, effectivement, vous disiez qu'il s'agit d'un monde inconnu. Oui, mais je dirais un monde méconnu plutôt. C'est-à-dire qu'il est, je dirais, quand on regarde les choses de plus près, siècle plus près avec un regard d'historien, on se rend compte que c'est un monde beaucoup plus familier qu'on ne le sait. Donc, parce que, si vous voulez, nous sommes un peu prisonniers, ou nous étions prisonniers du regard que nous donnait sur ce monde l'apologétique musulmane. C'est-à-dire que selon les sources musulmanes, mais c'est comme ça dans toutes les apologétiques, l'Arabie pré-islamique est un monde plongé dans l'obscurité et la barbarie et l'ignorance. Et donc, si vous voulez, c'est un peu comme ça dans toutes les religions. Avant nous, il n'y avait rien. Après nous, il y a tout. Mais maintenant, on le sait, bon, par les découvertes archéologiques, épigraphiques, c'est-à-dire par l'histoire matérielle, mais également par le Coran lui-même, que l'Arabie pré-islamique est monothéiste et connaît les religions monothéistes depuis très longtemps. Donc, c'est-à-dire que, si vous voulez, à côté, quand on regarde le Coran lui-même en tant que tel, avant les filtres exégétiques de l'islam, on se rend compte que, c'est-à-dire les thèmes et les figures bibliques, aussi bien de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament que de la littérature parabiblique, les thèmes et les figures sont présents pratiquement à chaque page. Et donc, à côté de quelques versets sur les idoles, soi-disant, de l'Arabie païenne et de, disons, deux figures de prophètes proprement arabes, il y a des milliers de passages sur Noé, sur Abraham, sur Moïse, sur Jésus, sur Zacharie, sur Marie. Et puis les thèmes, le monothéisme, le prophétisme, le jugement dernier, etc. Donc, nous avons affaire, effectivement, à une culture, je dirais, biblique, qui est présente et que le Coran porte en lui. C'est quelque chose d'essentiel à rappeler. Hein. Nous sommes en 570, autour de 570 qu'en est Mahomet. Et là, autour de lui, il peut entendre, il peut croiser. Alors, il est tout petit déjà, mais il y a déjà des chrétiens qui ne sont pas les chrétiens d'aujourd'hui, bien sûr. Il y a des juifs aussi. Il y a un monde où les textes qui font la Bible sont déjà connus. Alors, ils sont connus peut-être pas comme ceux d'aujourd'hui, parce que il y a toute cette temporalité qui est essentielle, et puis il y a différentes branches dans ce sixième siècle, mais ce sont des choses qui arrivent jusqu'en Arabie, qui sont sans doute déjà discutées. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que, si vous voulez, l'Arabie au sixième, septième siècle n'est pas une île, n'est-ce pas, perdue au milieu d'un océan. Il est situé au carrefour des grandes civilisations de l'époque, surtout des civilisations monothéistes. C'est-à-dire, il est situé entre la Byzance et le Yémen, entre l'Éthiopie et l'Iran. Et donc, comme vous l'avez dit vous-même, les Arabes sont des commerçants depuis la nuit des temps. Donc, ils circulent entre ces pays, entre ces cultures, entre ces religions, et puis dans leurs caravanes, il n'y a pas que des marchandises, il y a des hommes, il y a des livres, il y a des idées. Et donc, si vous voulez, les Arabes sont vraiment au cœur de ces cultures. Et bien sûr, ils sont imprégnés. Alors, oui, effectivement, c'est-à-dire, il faut savoir que à cette époque, il y a différents courants chrétiens. Alors, vous avez dit qu'ils n'existent plus. Si certains d'entre eux existent encore, c'est-à-dire qu'on connaît sous le nom de christianisme au pluriel orientaux. Donc, ces chrétiens et ces christianismes orientaux sont présents en Arabie et autour de l'Arabie. Et puis également le judaïsme. Hein, le judaïsme est extrêmement présent en Arabie depuis des siècles. Maintenant, là aussi, il y a des courants juifs différents. Et donc, Mohammed ou Mahomet, comme on veut, est né dans cette culture-là. Ben justement, si nous nous arrêtons sur ce nom, il y a Mahomet, qui est un nom qu'on entend régulièrement, Mohammed. Dites-nous, comment fait-on cette distinction? Pourquoi peut-il y avoir des choix? Ou alors, il n'y a pas de choix, c'est juste quelque chose de personnel? Non, je crois que, bon, si vous voulez, la prononciation Mahomet vient d'un passé assez chargé de polémiques et d'attaques contre l'islam et contre son prophète, qui était considéré pendant tout le Moyen-Âge comme un faux prophète et un charlatan. Mais maintenant, bon, le mot Mahomet, disons, la forme francisée un peu neutre de ce personnage du 6e, 7e siècle. Alors, la prononciation arabe est bien sûr Mohammed, mais je pense pense qu'en disant Mahomet, les Français et les francophones comprendront beaucoup plus facilement de qui on parle. Mais avec vous, on comprend très très bien. Et il y a le Coran des historiens que vous avez co-dirigé avec Guillaume Dier aux éditions du Cerf. 3 volumes, très impressionnants. Et puis, il y a le numéro de l'histoire où là aussi, il y a quelque chose de très pédagogique. Parce qu'il y a cette nécessité de faire passer en fait des choses que nous avons du mal à saisir, étonnamment, alors que l'islam est régulièrement au cœur de l'actualité, puis ça fait partie de notre culture aussi. Dites-nous, j'aimerais bien que nous comprenions un peu dans quel univers est né Mahomet, Muhammad, dans quel univers est-il né pour comprendre son cheminement. Et pour cela, nous allons faire un petit tour à l'ORTF, de la télévision française. C'était en juin 1971 pour une émission intitulée « Le Coran et son prophète ». Oui, quelle est la Mecque dans laquelle a grandi Mahomet, Muhammad ? En ces lieux dont la ferveur de l'islam interdit l'approche aux incroyants, il est bien difficile d'imaginer aujourd'hui ce qu'a pu être la Mecque où grandit le prophète. Imaginez. Mais quoi ? Un enfant solitaire et grave comme celui-ci dans une rue de Taïf à quelques kilomètres de la Mecque ? L'islam, lui, a plus de pudeur. Il se contente de la parole, celle de Dieu, qui rappelle dans le Coran les malheurs d'une enfance, celle du jeune Muhammad, orphelin à 6 ans. Pudeur de l'islam, la voici encore qui, dans une miniature persane, voile le visage de son prophète, et ce, dès sa naissance. La naissance et la jeunesse de Muhammad relèvent à la fois de l'histoire et de la tradition religieuse, celle-ci non moins vraie que celle-là. C'est un jeu sans cesse entre l'histoire et la tradition religieuse. Ali Amir Modi, dites-nous, Muhammad vient donc d'un monde, il est né à la Mecque, il est né à la fin du 6e siècle. Ce que nous savons en fait de lui vient du Coran, mais en revanche, son historicité n'est pas mise en cause. C'est-à-dire qu'il y a d'autres documents qui permettent de vérifier son historicité. C'est une question un peu simple, un peu d'amorce, mais elle est nécessaire de le rappeler. Mohamed est un personnage qui a existé. Oui, Mohamed est un personnage qui a existé, c'est-à-dire que, alors, juste un mot sur l'émission de l'ORTF, nous sommes toujours dans un certain nombre de clichés et le récit qui a été fait dépend vraiment de la géographie musulmane, hein. Maintenant, on sait que les choses sont beaucoup plus complexes et beaucoup moins sûres que ce que disait notre collègue d'il y a... C'était en 1971, effectivement. Voilà. Le personnage est historique parce que, si vous voulez, les textes non musulmans, c'est l'islam n'est pas encore né, mais les textes chrétiens et juifs en parlent, donc soit en syriaque ou en hébreu. Donc c'est un personnage qui a existé parce que, c'est-à-dire, les textes contemporains parlent justement d'un prophète ou un chef arabe, n'est-ce pas, et qui justement dans ces textes, on nous dit que il dit pratiquement la même chose que nous, hein, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens. Donc c'est un personnage qui a existé, mais sur lui on connaît très peu de choses. On connaît très peu de choses parce que là aussi, quand on regarde justement l'introduction de Guillaume D et de moi-même au courant des historiens, on en parle beaucoup, c'est-à-dire que ce que disent les sources musulmanes sur les origines de l'islam, sur la vie du prophète et sur la naissance du Coran sont très peu crédibles, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses invraisemblables, il y a énormément de contradictions, on dit pratiquement tout et son contraire, il y a énormément de légendes, maintenant on le sait, il y a énormément de falsifications historiques. Et pour cause, c'est que, si vous voulez, nous avons affaire, on a dit, dans quelle ambiance, dans quel monde est né le prophète, dans un monde extrêmement trouble. Hein, c'est-à-dire que, si vous voulez, fin 6e, début 7e siècle, nous sommes dans une ambiance de fin de monde. C'est-à-dire que pratiquement il y a beaucoup d'apocalypse, si vous voulez, en syriaque, en hébreu, voire en pélévi, c'est-à-dire la langue de l'Iran pré-islamique, et il y a également les chapitres apocalyptiques du Coran, qui de ce fait appartiennent véritablement à ce temps et à ce lieu. Alors pourquoi tout le monde pense que la fin du monde est imminente? Parce que probablement depuis des siècles il y a des guerres entre les grands empires byzantins et iraniens, entre les éthiopiens et les yéménites. On sait qu'il y a eu des épidémies de peste, et on sait qu'il y a eu des tremblements de terre, des éclipses de lune et de soleil. Donc il y a une ambiance de fin du monde. Et donc là aussi on le sait que... En tout cas, les couches les plus anciennes du message de Mahomet allaient dans le même sens, c'est-à-dire qu'il était venu annoncer la fin du monde, demander aux gens de se repentir, de s'entraider et d'obéir aux ordres de Dieu pour éviter la colère de Dieu qui va s'abattre. Et également, très probablement, annoncer la fin du monde et l'avènement du Messie, l'avènement du Sauveur. Donc, c'est dans cette ambiance, si vous voulez, extrêmement trouble, qui est présente dans toute cette partie du monde que nous appelons maintenant Proche et Moyen-Orient, qui va donc de la Byzance jusqu'au Yémen et de l'Afrique de l'Est jusqu'à l'Iran. Il y a cette ambiance-là, et donc Mahomet commence sa prédication dans cette ambiance-là. Et en plus, en ayant recours, je dirais, au même thème, aux mêmes figures bibliques que l'on trouve chez les juifs et les chrétiens, ou chez les manichéens également. Oui. Les manichéens sont présents également, et qui appartiennent aussi à une tradition biblique. Voilà, donc il y a tous ces éléments qui se mettent en place, Ali Amir Mouzi. Il y a cette ambiance de fin du monde, cette ambiance apocalyptique. Et puis, il y a ces différents courants de pensée présents en Arabie qui reflètent des mouvements chrétiens, mais qui se divisent eux-mêmes sur la nature de Jésus. Est-il plutôt homme, plutôt Dieu? Et également des mouvements de pensée du judaïsme. Et c'est dans ce monde-là que se met en place cette prédication de Mohammed, avec ce texte qu'est le Coran, qui est présenté aujourd'hui par les musulmans comme un tout, du point de vue religieux bien sûr, mais que l'historien peut décrypter. Ali Amir Mouzi, le Coran est composé de 114 sourates, des chapitres, et vous arrivez à identifier celles qui peuvent être originelles, c'est-à-dire celles qui peuvent venir directement du prophète par rapport à d'autres qui ont pu être rajoutées ensuite ou alors récupérées d'autres textes avant. Et justement, cette notion de fin du monde est intéressante pour identifier les sourates qui sont les plus proches du prophète. Les choses sont un peu plus complexes que cela. C'est très difficile de dire vraiment de dater la totalité du Coran et dire ce qui provient du prophète et ce qui provient peut-être de après le prophète, et même peut-être il y a des choses qui viennent avant lui. C'est-à-dire que dans le Coran il y a des textes qui existaient avant et que l'on trouve pratiquement dont on trouve la paraphrase en arabe dans le Coran, des textes justement d'origine syriaque, des hymnes, ou même des textes juridiques judéo-chrétiens. Mais effectivement, ce qu'on appelle l'apocalyptique coranique, ce sont à quelques exceptions près, les 30 ou 35 dernières sourates du Coran, qui sont les plus courtes et dont la langue est très archaïque et qui sont, je dirais, d'une beauté poétique extrême. Alors ce sont, si vous voulez, les sourates apocalyptiques qui annoncent la fin imminente du monde. Alors pourquoi on dit que ces sourates ont toutes les chances d'être authentiques et de remonter à l'époque du prophète lui-même? Parce que finalement la fin du monde n'est pas arrivée. Et donc, si vous voulez, les musulmans postérieurs n'avaient aucune raison de fabriquer ces sourates-là, parce que ça aurait décrédibilisé leur prophète. Donc, ces sourates qui annoncent la fin imminente du monde sont très probablement constituent les couches les plus anciennes du Coran et remontent sans doute à l'époque du prophète lui-même. Dans le cours de l'histoire aujourd'hui sur France Culture, le Coran, comment a-t-il été écrit? Oui, lire et relire le Coran, mais le relire avec les yeux des historiens, des historiennes, et notamment avec vous, Ali Amir Mouzi, et en partenariat avec le magazine L'Histoire. Je vous propose une suite mélodique et poétique. C'est ainsi que l'on appelle les Vasla. Je ne sais pas si je le prononce bien, peut-être pas, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que celle que nous allons entendre parle du cœur passionné. Elle est chantée par Noureddine Kurdish et les derviches de Damas. Oui, Kurdish, un des plus grands récitants du Coran. Oh, قلبي ذو يام والحبيب قد تحكم Nourdine Khourchid et les derviches de Damas dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Milena Elig avec aujourd'hui à la technique Jacques Hubert, le cours de l'histoire qui s'intéresse au Coran, aux origines de ce texte. Le Coran se constitue, alors il y a deux Coran, j'ai presque envie de dire, Ali Amir Moisi, c'est celui vu par le croyant, le religieux, et puis celui vu par l'historien. Alors déjà, qu'est-ce que le Coran pour un croyant? Comment s'est constitué ce texte? Alors, le Coran pour le croyant est la parole de Dieu, révélée pendant plusieurs décennies au prophète Mohammed, à la Mecque et ensuite à Médine. Et donc, selon la tradition, le prophète dictait au fur et à mesure la révélation à ses scribes, qu'il émettait par écrit sur toutes sortes de supports. Et puis, après sa mort, donc le pouvoir califal a décidé de mettre très rapidement, élaborer, disons, une version définitive du Coran. Donc, il s'agit d'une parole révélée directement par l'intermédiaire de l'ange Gabriel, par Dieu au prophète Mahomet, pour qu'il les transmette à sa communauté. Alors, bien sûr, l'historien, les choses sont beaucoup plus complexes. Et même, je dirais, vous savez, pour l'historien qui regarde le Coran comme un texte brut, c'est un peu comme ça qu'on a fait avec Guillaume Di et puis les autres, la trentaine de contributeurs qui ont fait le Coran des historiens. Donc, c'est-à-dire qu'on a essayé de voir ce que nous dit ce livre à l'état brut, c'est-à-dire en amont de la tradition islamique. Donc, pratiquement, nous n'avons jamais utilisé ce que disent les sources islamiques sur le Coran, mais nous avons essayé de voir ce que dit le Coran au sujet de lui-même, et puis ce qui se passe en amont, c'est-à-dire les textes qui sont peut-être derrière ou sous le texte coranique, des textes chrétiens, juifs, judéo-chrétiens, etc. Et donc, le regard de l'historien est plus complexe, mais également, je dirais, quand on regarde de près les sources islamiques, là aussi, on se rend compte que l'histoire de la rédaction du Coran est beaucoup plus complexe que, finalement, un peu la version lissée que nous présente un peu tardivement la tradition islamique. C'est-à-dire que les sources islamiques parlent eux-mêmes de beaucoup de débats et de conflits pendant les premiers siècles de l'égire de l'islam au sujet du Coran. On nous parle de différents Corans qui existaient. Vous avez parlé de deux Corans, bien sûr, le croyant, celui du croyant et celui de l'historien. Mais les sources islamiques, elles, parlent de quatre ou cinq Corans différents qui circulaient sur les terres d'islam pendant plusieurs siècles. C'est-à-dire que le Coran que nous connaissons, le Coran officiel, est probablement, disons, la version étatique, la version impériale, califale du Coran, que les califes ont essayé d'imposer à toute la communauté aux terres conquises. Mais, si vous voulez, comme ces califes avaient beaucoup d'adversaires, et comme chaque faction avait pratiquement sa propre version, sa propre recension du Coran, donc tout le monde n'a pas accepté du premier coup cette version officielle. Et donc, dans les différents courants de l'islam naissant, il existait les différentes recensions du Coran qui ont circulé jusqu'au début du IVe siècle de l'Égire, des siècles après les temps des origines, IVe siècle de l'Égire, c'est-à-dire dixième de notre ère. Oui, parce que vous voyez que les choses sont beaucoup plus complexes. Le Coran se met vraiment en place 70 ans après la mort de Muhammad. Ali Amir Moisi, ces différents Corans, ces cheminements possibles qu'a pris ce texte, mais qui est figé ensuite, les avons-nous ? Est-ce que l'historien peut les étudier ? Et s'il les étudie, quelle différence voit-il avec le Coran tel qu'il a été fixé définitivement ? C'est-à-dire que ces Corans, nous n'avons pas les manuscrits de ces Corans parallèles, sauf peut-être justement, vous avez cité le cas du palimpseste de la mosquée de Sana'a, c'est-à-dire j'explique rapidement de quoi il s'agit. Dans les années, au début des années 1970, on a découvert par hasard dans la grande mosquée de Sana'a au Yémen des milliers de fragments de manuscrits coraniques, et donc il s'agit d'un palimpseste, c'est-à-dire, si vous voulez, un texte dont on a effacé la version originelle et on a réécrit par-dessus un autre texte. Alors, ce qui est un peu bizarre et qui a frappé les historiens, c'est que aussi bien le texte inférieur que le texte supérieur, c'est du Coran. Donc la question qui s'est posée, pourquoi, parce que la chose n'est pas facile, je veux dire matériellement, pourquoi on a ressenti le besoin à cette époque-là? C'est un manuscrit très ancien qui date très probablement de la seconde moitié du premier siècle de l'islam, c'est-à-dire du 7e siècle. Et donc, probablement, pourquoi on a fait ça? Parce que le texte inférieur ne correspondait pas, disons, au texte officiel du Coran. Et là, on a la possibilité de lire et de déchiffrer le texte inférieur, et on voit effectivement qu'il y a des divergences par rapport au texte officiel du Coran. Donc ça, si vous voulez, c'est pratiquement le seul témoignage manuscrit d'un Coran autre que le Coran officiel, mais sinon nous avons des citations dans les sources islamiques, des citations des autres Corans, donc soit des versets, soit des sourates entières, que l'on ne trouve pas dans la version officielle du Coran. C'est pour ça que je disais que bon, la version officielle effectivement date probablement de la seconde moitié du premier siècle de l'Égypte. Peut-être, bon, ça a été élaboré sous le règne du calife Abdelmalek, donc le cinquième calife omeyyade, le neuvième de l'islam, et donc, mais cette version officielle, comme je viens de le dire, n'a pas été acceptée par tout le monde, et donc l'acceptation de la version officielle du Coran a mis plusieurs siècles pour que à peu près tous les musulmans acceptent finalement cette version que l'on appelle la version omeyyade ou la version califale. Ali Amir Moisi, très intéressant évidemment de voir comment se construit ce texte du 7e siècle, le moment du prophète Muhammad, à ses premières composition, on va dire, de textes de prix d'aussi de là, 70 ans après la mort du prophète, on a un premier texte, mais ça, il faut attendre encore pour avoir le Coran dont nous parlons aujourd'hui, celui que vous étudiez dans le Coran des historiens aux éditions du Cerf, avec ces éléments. Vous avez parlé du palimpseste de Sana'a, il y a un très bon article d'Éléonore Sellard dans la revue L'Histoire consacrée au Coran, et puis il y a le regard sur le texte du Coran lui-même, et là c'est passionnant aussi. Je voudrais aller vous soumettre à un exercice, Ali Amir Moisi. Nous allons écouter deux versets de la sourate 9 du Coran qui nous sont lus ce matin dans le cours de l'histoire par Tatiana Werner. Combattez ceux qui ne croient pas en Dieu et au jour dernier, ceux qui ne déclarent pas illicite ce que Dieu et son prophète ont déclaré illicite, ceux qui, parmi les gens du livre, ne pratiquent pas la vraie religion. Combattez-les jusqu'à ce qu'ils payent directement le tribut après s'être humiliés. Ils ont pris leur docteur et leur moine, ainsi que le Messie, fils de Marie, comme Seigneur, au lieu de Dieu. Mais ils n'ont reçu l'ordre que d'adorer un Dieu unique. Il n'y a de Dieu que lui. Gloire à lui, à l'exclusion de ceux qui lui associent. Lecture lecture de deux versets de la sourate 9 du Coran par Tatiana Werner. Et ces sourates sont intéressantes parce qu'elles disent des choses que l'on comprend bien. Combattez ceux qui ne croient pas en Dieu, c'est une lecture première. Et puis il y a la lecture de l'historien, de l'historienne Ali Amir Mouazi. Il est question de Jésus, alors qu'il n'est pas appelé Jésus. C'est le Messie, c'est le Fils de Marie. Et on souligne beaucoup cette notion de Dieu unique. En fait, on sent que ce verset du Coran est une réponse aussi aux chrétiens, une réponse à des questionnements que se posent à ce moment-là les chrétiens sur la Trinité, la place de Jésus à côté de Dieu, le Père. Y a-t-il un Dieu? Y a-t-il trois dieux? Extrêmement complexe, cette notion de Trinité. Là, c'est une réponse, en fait. Effectivement, c'est-à-dire que, à sa façon, le Coran prend part, vous savez, à ce qu'on appelle les controverses christologiques. Qui avait cours depuis très longtemps déjà dans le monde chrétien et en particulier à Byzance. Et effectivement, la christologie coranique est une christologie, je dirais, non trinitaire. C'est une christologie qui diverge de la christologie de la grande église de Constantinople, l'église catholique de Constantinople. Donc c'est une christologie, bon c'est un peu technique, mais je dirais non nicéenne. Et donc, c'est-à-dire que nous avons affaire à, effectivement, un débat sur la nature du Christ. Alors, le Coran, à chaque fois que, effectivement, Jésus est le seul personnage qui est appelé Messie, Al-Masih en arabe, dans le Coran, mais à chaque fois que le Coran parle de Jésus, le Messie, il insiste sur le fait qu'il est fils de Marie, pour probablement ne pas dire qu'il est fils de Dieu. Donc, il est appelé Esprit de Dieu et Verbe de Dieu, ce qui n'est pas rien. Donc, ça fait de Jésus coranique quand même un prophète qui est différent des autres prophètes, Esprit de Dieu et Verbe de Dieu, mais pas Fils de Dieu. Il n'est pas Fils de Dieu. Alors, il faut savoir que, si vous voulez, cette position christologique n'est pas exclusivement réservée au Coran et aux Arabes. C'est une position christologique qui est défendue par, disons, des églises qui ne sont pas reconnues par la grande église de Byzance, les arianistes, les nestoriens, les montanistes, les monarchianistes, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de courants chrétiens qui professent la même christologie, c'est ça ce qu'on appelle les controverses christologiques sur la nature du Christ, sur la filiation divine, sur sa nature humaine, sa nature divine, etc. Et donc en quelque sorte le Coran prend position dans ces controverses et opte pour pour un christianisme non trinitaire. Le Coran appartient véritablement à son temps et à son lieu. Voilà, et une vraie connaissance en plus de ces questionnements que l'on pourrait limiter au monde chrétien, mais non, pas du tout. Ces questionnements arrivent en Arabie parce que les chrétiens sont en Arabie, et puis surtout ça intéresse, vous nous l'avez rappelé, Ali Amir Mouazi, nous sommes dans un moment où l'on attend la fin du monde et toutes ces question autour de Dieu, de qui est Dieu, de comment se construit la divinité, intéresse énormément. Et donc, Muhammad, lui, connaît toutes ces interrogations, toutes ces polémiques. Oui, c'est-à-dire Mahomet et son auditoire également. C'est que, vous savez, il y a un phénomène extrêmement intéressant et important dans le Coran concernant les thèmes et les figures bibliques, c'est que les données bibliques du Coran sont allusives. C'est-à-dire que si vous voulez apprendre l'histoire d'Abraham, de Moïse ou ce que dit le Coran au sujet de Jésus, si vous voulez apprendre ces choses-là, vous ne l'apprenez absolument rien du Coran. Tout est très allusif. Quand on dit allusion, c'est-à-dire que ceux qui écoutent ce message connaissent ces histoires-là. Connaissent l'histoire d'Abraham, connaissent l'histoire de Moïse, savent, vous savez, bon, c'est, là aussi ça va contre ce que dit l'apologétique musulmane au sujet de l'ignorance des Arabes avant l'islam. Le Coran et les thèmes bibliques du Coran sont extrêmement complexes. Lorsque le Coran appelle Jésus Verbe de Dieu ou Esprit de Dieu, ce sont des notions christologiques extrêmement compliquées. Donc que comprendrait un Arabe ignorant, polythéiste, idolâtre de ces notions christologiques? Donc là, si vous voulez, c'est une preuve, à mon sens, absolue du fait que l'auditoire connaît très bien ces notions et ces histoires et que, en quelque sorte, le Coran apporte des gloses exégétiques, diraient les historiens des religions, c'est-à-dire interprète à sa manière ces données bibliques. Donc, effectivement, non seulement c'est une reconnaissance, mais nous sommes nous sommes dans le monde, je dirais, biblique. L'historien interprète les données bibliques ou coraniques, l'historien interprète les textes, il les étudie et puis il bénéficie de l'avancée de la recherche. Je vous propose un son de juin 1959, un son de Jacques Berck, sociologue, anthropologue, qui réfléchit à la télévision française en 1959, pourquoi la méthode historique classique a eu des difficultés à étudier les origines de l'islam. Pourquoi la méthode historique classique a moins porté sur la reconstitution des civilisations islamiques que sur les sociétés indo-européennes ? Bien, c'est en partie parce que ces conditions de travail n'étaient pas du tout les mêmes. Tout d'abord, où sont les matériaux ? Où sont ces recherches d'archives sans lesquelles un Mommsen serait incompréhensible ? Nous ne les avons pas. Où sont ces analyses historiques de la grammaire et du lexique ? Nous ne les avons pas encore. Alors, nous n'avons donc pas cette matière classée chronologiquement. Nous n'avons pas ces points de repère temporels. Nous n'avons presque pas de points de repère spatiaux non plus, car l'islam a tout unifié. Et du Turkestan au Maghreb, on se réfère aux mêmes archétypes, aux mêmes types de civilisations, ce qui également trouble notre second moyen de prise sur ces sociétés. Mais d'autre part, et ça, c'est peut-être en effet une grande réalité de la civilisation islamique, il se présente à nous et il se conçoit lui-même comme étant sorti du temps, et ceci à diverses époques de son histoire. Jacques Berck, sociologue, anthropologue, qui parlait en 1959 de l'univers politique de l'islam. Il évoquait, nous étions en 1959, une difficulté, un manque de sources. Aujourd'hui, les choses ont bien changé à lire Amir Mouezi. Il y a vraiment un travail, c'est d'ailleurs le cas du Coran des historiens que vous co-dirigez avec Jacques Guy, aux éditions du Cerf, avec une trentaine d'historiens, d'historiennes qui se penchent sur ces questions-là. Aujourd'hui, nous avons des sources. L'archéologie est là, et puis il y a toute l'avancée de la recherche historique. Oui, c'est-à-dire les choses effectivement ont beaucoup évolué depuis 59 et ce discours de Jacques Berck. C'est-à-dire que si vous voulez, dans les études sur le Coran, comme je l'ai dit, les études scientifiques sur le Coran commencent dans la première moitié du 19e siècle. Il y a eu de très grands noms de cette première moitié du 19e siècle jusqu'aux années 1960. Bon, je ne vais pas m'attarder sur ces grands noms et les grands mouvements. Mais si vous voulez, depuis les années justement 70, il y a peut-être deux grands tournants dans les études scientifiques sur le Coran. D'abord, dans les années 70, en Angleterre et en Allemagne, un certain nombre de savants ont, si vous voulez, démontré de manière, je dirais, assez convaincante, deux choses. C'est-à-dire que les sources islamiques, pour ce qui concerne les origines de l'islam et du Coran, ne sont pas crédibles. Qu'elles sont bourrées de contradictions, de falsifications historiques, de choses invraisemblables, de légendes, etc. Donc, c'est-à-dire qu'il faut avoir un regard extrêmement prudent sur ces textes-là, justement d'étudier leurs contradictions, d'essayer de lire entre les lignes, d'identifier l'appartenance théologique et politique des auteurs, etc. Et puis, deuxième chose, c'est que ces auteurs ont montré que pour avoir une idée plus claire des origines de l'islam et du Coran, il faut intégrer dans les études les sources non musulmanes contemporaines. C'est-à-dire des sources en syriaque, qui est la langue internationale de l'époque et qui est aussi la langue liturgique des chrétiens, donc l'araméen, syriaque, des textes en hébreu, des textes zoroastriens en pélévi, des textes en grec, etc. Donc ces auteurs ont montré que ce qui se faisait très peu jusque-là, ça se faisait, mais il faut méthodiquement et systématiquement intégrer ces sources non musulmanes contemporaines dans l'étude de la naissance de l'islam et du Coran. Et puis, dans les années 2000, il y a eu également un autre grand tournant, c'est-à-dire on a découvert l'importance justement du christianisme de langue syriaque dans l'élaboration du Coran, c'est-à-dire jusque-là, on parlait plutôt de l'influence juive, ce qui est vrai, mais on s'est rendu compte que peut-être l'influence chrétienne syriaque où il y a encore le poids du judaïsme est assez important, l'influence chrétienne syriaque est encore plus importante, d'une part, et d'autre part, c'est justement l'apport de ce qu'on pourrait appeler l'histoire matérielle, c'est-à-dire les découvertes archéologiques, épigraphiques, codicologiques, paléographiques, etc. Et donc, ce qui fait que depuis peu de temps, depuis, disons, moins d'une vingtaine d'années, il y a eu une véritable révolution dans l'étude de la naissance des origines de l'islam et du Coran. Et donc, c'était aussi, je dirais, la raison d'être du Coran des historiens. C'est-à-dire, Guillaume Di et moi-même, nous avons voulu donner une synthèse, parce qu'il y a eu une explosion d'études et de recherches sur les origines du Coran, des courants de recherche où collaborent ensemble les islamisants, les arabisants, mais également les spécialistes des christianismes orientaux, les spécialistes du judaïsme, du zoroastrisme, les archéologues, les épigraphistes, etc. Et donc, devant la multiplicité de ces études-là, nous avons jugé utile, si vous voulez, de faire la synthèse de ces études scientifiques sur le Coran depuis le 19e siècle jusqu'à maintenant, en y ajoutant justement les recherches actuelles, donc pour essayer de voir plus clairement. Donc effectivement, depuis Jacques Perk, les choses ont évolué. Je ne dirais pas que maintenant tout est clair, loin de là, il reste encore beaucoup de zones d'ombre, mais nous connaissons énormément de choses de plus que par rapport aux années 50. Voilà, il y a, c'est vrai, un panorama, enfin, on le voit hein, dans le Coran des historiens, ce sont quand même 3 volumes, c'est conséquent, c'est très accessible en même temps, c'est ça qui est très intéressant aussi. Et puis dans la revue L'Histoire, là, le Coran, la fabrique d'un livre, nous sentons à la fois cette complexité et ce travail en cours, mais cette complexité qui nous intéresse énormément parce que les choses trop simples sont pas intéressantes. Là, c'est intéressant parce qu'on voit se construire le travail des historiens, des historiennes à partir des sources. Vous avez évoqué ces sources contemporaines, ces sources qui ne sont pas les sources de l'islam directement. Je vous propose d'écouter la lecture d'un texte, une lecture par Tatiana Werner, d'un texte de Théophile d'Édesse. Nous sommes au 8e siècle, donc nous sommes juste après, en fait, le moment où le Coran commence à être construit et unifié. Lorsque Muhammad eut atteint l'âge et la taille de jeune homme, il se mit à partir de Yathrib, ou Médine, sa ville, à aller et venir vers la Palestine pour le commerce, pour acheter et vendre. S'étant habitué à la région, il fut attiré par la religion de l'unique Dieu, et il revint chez les gens de sa tribu. Il leur proposa cette croyance. Il en persuada un petit nombre qui adhérèrent à lui. De plus, il leur vantait l'excellence de la terre de Palestine. « Si vous m'écoutez, Dieu vous donnera à vous aussi une bonne terre où coule le lait et le miel. » Comme il voulait renforcer sa parole, il dirigea une troupe de ceux qui avaient adhéré à lui et il commença à monter vers la terre de Palestine, attaquant, ravageant et pillant. Ils revinrent chargés de butin sans avoir subi de dommages, et ils ne furent pas frustrés de ce qu'il leur avait promis. Dans le cours de l'histoire, Tatiana Werner qui nous lisait un extrait de Théophile d'Édesse, texte du 8e siècle, Ali Amir Moïsi. Il y a quelque chose de très intéressant ici, c'est que nous avons une évocation de la naissance, de la religion, de la prédication. Muhammad promet une terre de lait et de miel. Et puis il y a tout de suite l'évocation de la guerre et des combats. Et cette question qui se pose sans cesse sur la prédication et la conquête, est-ce que les deux peuvent être reliés? L'étude de l'historien permet justement de voir, ne serait-ce que par la chronologie, si l'on peut relier les deux. Alors, une chose, c'est que, si vous voulez, effectivement, bon, le texte de la chronique de Théophile d'Édesse est un texte extrêmement important, il y en a d'autres. Alors, j'ai parlé, si vous voulez, du regard critique et extrêmement prudent qu'on doit avoir sur les sources musulmanes. Il faut avoir le même regard sur les sources non musulmanes, hein, c'est-à-dire que l'histoire au sens moderne n'existe pas à cette époque. Donc les sources non musulmanes ont également une dimension polémique, hein, une dimension polémique contre cette nouvelle, ce nouveau message qui vient d'Arabie, donc il ne faut pas les prendre à la lettre non plus. Mais effectivement, ils contiennent des choses que peut-être les sources musulmanes ne contiennent pas, et nous avons là une sorte de d'angle nouveau et de contrepoint qui nous aide à peut-être découvrir des choses intéressantes. Alors le combat et la foi, oui, c'est une grande question. C'est-à-dire pour répondre peut-être rapidement, je vais m'appuyer sur, disons, un des auteurs majeurs du courant des historiens, qui est notre collègue allemand Carl Friedrich Pohlmann, qui est également bibliste. Hein, c'est un grand bibliste et un grand coraniste allemand. Et depuis plusieurs années, donc, il travaille sur un thème extrêmement important qui touche votre question, c'est-à-dire la question de militantisme et de non-militantisme dans le Coran. Et avec des études extrêmement fines et extrêmement érudites, Pohlmann montre, à mon sens de manière convaincante, et il en parle dans le Coran des historiens, que l'entourage de Mahomet est composé de deux sortes de fidèles. Il y a peut-être les plus anciens, c'est-à-dire que ceux qui croient justement à la fin imminente du monde, qui ont, si vous voulez, qui professent une dimension apocalyptique et messianique de la religion, et ce sont des non-militants. Ce sont des gens qui professent l'entraide, qui professent l'aumône, la prière, le repentir, et qui demandent aux gens de se retourner vers Dieu et d'attendre dans la charité et dans la bonté la fin du monde. Et à côté de ces non-militants, il y a un second groupe parmi l'entourage du prophète qui sont des militants. Et qui considère que, si vous voulez, on peut attendre la fin du monde de manière active, c'est-à-dire de préparer en quelque sorte le terrain par la conquête, par le butin et par la guerre, préparer pour la fin du monde et l'avènement du sauveur. Et donc, nous avons la trace, effectivement, de ces deux groupes de militants et de non-militants dans le Coran. Le Coran, si vous voulez, porte la trace de ces deux croyances, et c'est pour ça aussi que nous avons parfois des choses extrêmement divergentes dans le Coran concernant justement la question de la foi. Est-ce que la foi est compatible avec la violence, ou plus exactement avec la guerre sainte, avec le djihad, ou pas? Et donc Pohlmann montre que nous avons effectivement ces deux groupes-là et qui ne s'harmonisent pas jusqu'à la fin. Donc Pohlmann montre la tension et la contradiction entre des passages qui remontent peut-être respectivement à ces deux groupes, et que finalement la version finale du Coran a gardé les vestiges de ce que professent ces deux groupes différents. Donc pour les uns, la foi n'est pas compatible avec la violence, pour les autres, si. La foi doit être imposée par la violence. Donc voyez, c'est-à-dire que contrairement, si vous voulez, à une lecture confessionnelle ou croyante du Coran, qui essaie d'harmoniser les contradictions et les tensions dans le Coran, l'historien cherche justement à regarder de plus près ces divergences et de les étudier de près. Ali Amir Mouazi, en plus, l'historien, l'historienne regarde le temps, et c'est vrai que vous l'évoquez très clairement, le temps de la foi n'est pas le même que le temps de la conquête, au sens où entre la prédication, la mise en place du texte, la construction, et vous l'avez bien dit, le Coran avec des paroles venues du prophète, peut-être d'autres ajoutées ensuite, avec des textes venus d'avant aussi ajoutés, ce n'est pas la même temporalité que le temps du politique. Oui, effectivement, effectivement. Et c'est-à-dire que, si vous voulez, ce qu'il faut également tenir compte, ce sont des phénomènes historiques extrêmement importants qui arrivent juste après la mort du prophète et qui ont changé la donne. C'est-à-dire que dès la mort du prophète, les guerres civiles entre ses fidèles commencent, et ce sont des guerres civiles fratricides extrêmement violentes qui vont durer plusieurs siècles. Donc ça, c'est un élément extrêmement important. Et puis un événement qui a en quelque sorte changé la face du monde, ce sont les grandes conquêtes arabes et la naissance de l'Empire. Et donc là, si vous voulez, ça arrive très vite, en quelques décennies. Donc les Arabes font tomber les terres méridionales de la Byzance et l'Empire sassanide dans sa totalité. Et donc ils se trouvent en très peu de temps à la tête d'un grand empire. Et donc là, on change de paradigme. on change de paradigme, donc l'Empire doit avoir ses propres écritures, il ne peut pas avoir sa religion ne peut pas être celle ou le prolongement des peuples conquis, c'est-à-dire le christianisme et le judaïsme, il doit avoir sa propre religion qui va s'appeler l'islam, et c'est son écriture qui va s'appeler le Coran. Et donc là, on est dans le temps de la conquête. Donc on change de paradigme, on n'est plus dans le temps, je dirais, spirituel de la révélation. Ce qui change beaucoup, et puis ce qui n'est pas incompatible en plus, hein, l'étude historique n'est pas incompatible avec le livre saint pour certains, le livre du croyant n'est pas celui de l'historien, mais il ne s'oppose pas. C'est ça également qui est important, Ali Amir Mouazi. Absolument. Non, je crois que si vous voulez, peut-être, je dirais, j'ai eu des discussions justement avec des musulmans, hein, des croyants au sujet de la méthode historico-critique, de la distance critique, et je pense que cette méthode ne menace pas la foi. Au contraire, peut-être justement en faisant la distinction entre ce qui est accessoire et ce qui est essentiel, donc et la foi en quelque chose d'essentiel qui concerne l'essentiel, le regard historico-critique peut-être fait sortir ce qui est accessoire et en éliminant l'accessoire consolide même ce qui est essentiel. L'histoire donc, en fait enrichit. Consolider la foi. Oui, l'histoire enrichit en fait, on le sent, et même en religion, et sans doute beaucoup plus en religion que dans d'autres domaines. Merci beaucoup à vous, Ali Amir Mouazi, de nous avoir parlé aujourd'hui dans le cours de l'histoire. Le cours de l'histoire, une émission préparée par Amélie Perrault, Marion Dupont, Anne Toscan-Viudès, Camille André et Camille Rijad. La semaine prochaine, année charnière, l'histoire au tournant, oui, année charnière, les années que les historiens considèrent remarquables, mais que les contemporains avaient ressenti comme spéciales. Tiens, il se passe quelque chose.